La chicane Montréal-Québec? Ben, écoute, venant de Québec et habitant maintenant à Montréal, je la trouve ridicule, mais je sais très bien qu'elle vient de Québec. Fait que c'est un peu un complexe d'infériorité. Ouh! Non, mais c'est vrai, écoute, je viens de Québec, je le sais, là. Et ils ramènent systématiquement les gens qui sont pas bien là, dans leur peau là, à Québec, là, je te parle. Parce qu'il y en a plein qui le sont. Oui. Tout plein, là. T'sais, c'est ça, ouais. On les oublie, eux autres, puis eux autres, c'est pas facile pour eux. Il y a plein de gens positifs, il y a des gens progressifs, il y a toutes sortes de monde. C'est une des plus belles villes au monde. Une des plus belles villes au monde. Et les gens, frustrés, là, Radio X, sont... Et eux autres, ils aiment ça ramener systématiquement tout à opposer Montréal et Québec. Pour des fois, ça n'a aucun sens, on comprend même pas pourquoi. Soir, Radio X. C'est une catastrophe. Choix. 88.1 Radio X. 7h40 à Radio X. Qui est ce sympathique individu? Lui, humoriste. Ouais, lui, j'ai reçu, je pense, 40 courriels. J'ai pas écouté tout le monde en parle. J'ai reçu à peu près une quarantaine de messages Facebook et de courriels sur son passage. Tout le monde en parle. C'est là que tu te rends compte que tout le monde en parle est plus écouté que les francs-tireurs, pour ceux qui se posent encore la question. Mais je repose ma question. Qui est ce sympathique individu qui dit venir de Québec et qui prend les préjugés de l'extérieur puis qui s'en fait le porte-parole? C'est qui, ça? Y a-t-il quelqu'un? Véro, c'est qui? Il s'appelle Guillaume Wagner. OK. C'est un gars qui se dit humoriste. Il a été révélation de l'année au Gala des Oliviers. Il a fait le grand rire ici à Québec. Mm-hmm. Et il utilise les tribunes essentiellement, je te dirais, toutes les fois que j'ai entendu parler de lui, les rares fois, là, c'était pour planter du monde de Québec puis pour planter Radio X. Je trouve ça un peu étrange. Ben, tu sais, un gars qui veut percer dans un domaine où il y a autant de compétition par le bas, c'est-à-dire des humoristes mauvais au Québec, on n'en manque pas, là. Mm-hmm. Puis il y en a beaucoup qui essayent de faire leur place. Faut que tu trouves un branding. Faut ouais, mais le principe du martyr, c'est un peu triste, là. Ouais, ben, c'est un peu pour ça que j'en parle ce matin. Guillaume Wagner, moi, je m'en fous comme l'an 40, là. Je me fous de lui, de sa blonde, de ses dents qui claquent, de tout, là. Par contre, puis j'ai reçu beaucoup de messages aussi concernant ce qu'il a dit, à tout le monde en parle, puis je veux juste qu'on se conscientise à la gang. Les auditeurs de Radio X, vous aimez pas ça, vous faire dépeindre comme des jambons, comme des cretons, je vous comprends. Moi, le premier, quand on me dépeint comme ça, j'aime pas ça. J'ai pogné les nerfs l'année passée quand un tweet du plateau a dit que j'étais homophobe. Sérieusement, moi, quand on me dit des affaires de même, oui, j'ai le goût de prendre du monde puis de les rentrer dans le mur. Mm-hmm. Ça vient nous chercher dans le plus profond de nous-mêmes, parce qu'on le sait qu'on n'est pas des caves. Et on sait que c'est fait avec l'intention de blesser puis une intention malhonnête. Dans le cas d'un humoriste que personne connaît, c'est parce que tu veux sortir du lot, mm-hmm. puis t'essayes de faire plus de bruit que les autres. T'sais, ils sont un paquet d'humoristes pas bons dans le trop creux, ils ont pas de flotteur, faut qu'ils s'hydratent, les dents claquent, les nuits sont pas faciles, ils ont beaucoup de démons à battre. Je les salue, je les aime beaucoup, je leur souhaite tous bonne chance. Nous autres, collectivement, c'est ce qu'on peut faire. J'aimerais ça qu'on ne devienne pas des Jasmin Roy de Radio X. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Ouais. Tu sais, il a le droit de dire ce qu'il veut sur Québec, ses auditeurs de Radio X, sur Radio X, sur moi, sur toi, sur Dupont, sur Moret. Tu sais, à un moment donné, faut vivre aussi. Là, on s'en foutu de ce qu'il pense, lui, dans le fond. Il a le droit, là. Mais sauf qu'il représente un peu c'est quoi le problème de Montréal. C'est qu'il pense qu'on critique Montréal juste parce qu'on est des frustrés. Moi, j'aime Montréal. C'est une ville que j'ai profondément aimée dans le passé. C'est une ville où je vais encore de temps en temps. Il y a des beaux événements à Montréal. La F1, la Coupe Rogers. Mm-hmm. Mais Montréal est devenu un trou à marde au cours des dernières années. J'en ai encore eu un exemple en fin de semaine, alors que j'ai été pris pendant une heure sur l'autoroute métropolitaine à pas avancer. Il était pas 5h de l'après-midi. Il était pas 7h le matin. Il était pas midi. Il était 1h du matin. Où je suis resté jamais devant la pancarte de Julie Bélanger de Rythme FM pendant une heure. Sur l'autoroute métropolitaine. On critique Montréal... Julie, elle est belle, elle est souriante, mais quand ça fait une heure, t'es en avant de sa pancarte, assez, t'es prêt là, à passer à autre chose. Là, oula, ça peut être la pancarte de Michel Desautels ou de Renaud Mirois, sur laquelle tu restes... Tu sais, il était une heure du matin, j'étais jamais là. Il y avait une voie de fermée, il n'y avait pas de travaux. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Et lui, il pense qu'à Québec, quand on critique Montréal, c'est parce qu'on est frustré puis qu'on n'aime pas Montréal. Pas ça. J'adore Montréal. J'aime Montréal. Il y a des bons restos, il y a des activités le fun. C'est une métropole, c'est notre métropole. Mais Montréal, tranquillement, pas vite, depuis quelques années, est devenu un trois-marde. C'est pour ça qu'on vous critique et c'est pour ça qu'on vous... c'est pour ça si qu'on on vous dit pas, c'est se mettre la tête dans le sable. Ben, ce serait de jouer à l'autruche que de dire que tout va bien à Montréal. Montréal doit admettre que ça ne va pas bien, puis faut pas qu'ils prennent la critique des autres comme étant des accusations. Ben non. Montréal est notre métropole, c'est un poumon économique pour la province. Je me fous de lui, je le connais pas, j'ai aucune idée c'était qui, ce gars-là. Là. Je me fous totalement de ce gars-là. Là. Mais lui est représentatif du problème que vit Montréal actuellement. Des gens qui se mettent la tête dans le sable, des gens qui ont des lunettes roses par rapport à leur ville, qui voient pas les problèmes, qui sortent peu de Montréal aussi. Hein. Ça, c'est un des problèmes des Montréalais, c'est de sortir très rarement de leur île. Donc, ils peuvent pas comparer, ils peuvent pas prendre connaissance des problèmes majeurs qu'ils vivent pour vrai. C'est le snobisme. Ah, hein? Oh, moi, je viens de Québec, de mais prétention. Maintenant, je suis à Montréal. Je suis rendu à Montréal, moi, maintenant. Je peux vous dire comment ils sont à Québec, parce que moi, je suis rendu. Je peux vous dire comment ils sont colons à Québec. Moi, je suis sorti de Québec. Je m'en suis sorti de ce village-là. C'est un peu ça qui m'énerve. C'est ouais, pas mais j'ai de la peine pour un gars comme ça parce ouais. que je le sais que dans quelques années, il va nous sortir un autre branding. Tu sais, les humoristes à branding multiple, là. Ouais. Tu sais, son bad boy a un an, ça marche pas. Là, c'est père de famille pendant un an, puis après ça, il change. Ah, je suis un gars de sport à cette heure. Ah, OK, ben c'est le fun. Regarde, ça m'impressionne pas, ça me touche pas. Ah, il fait pitié. C'est pas drôle d'être pogné de même, là. C'est vrai que la blonde de Guillaume Wagner, c'est Kim Lizotte qui était la fille... Elle était sur le panel des 30 heures, qui a planté Radio X. J'ai écrit d'ailleurs. Moi, j'ai écrit à cette fille-là, Kim Lizotte, parce que je l'ai pris personnel, parce que ma blonde travaille ici, puis je travaille avec d'autres femmes ici de talent à Radio X. José, Véro, Martine, Marie-Pierre et compagnie. Elle a critiqué les filles de Radio X, elle les a traitées de nounouches. J'ai écrit quelques jours plus tard, ça a pris une semaine avant que je réalise l'énormité de ce que cette fille-là a dit, parce que je travaille avec des filles qui ont des baccalauréats, je travaille avec des filles qui ont quelque chose à dire, je travaille avec des filles, ma blonde entre autres, qui a élevé trois enfants, puis ce que j'y ai dit à elle, c'est, tu es capable d'en dire autant, toi? As-tu élevé des enfants? As-tu un bac? Serais-tu capable de faire du talk pendant 4 heures avec des gars qui laissent peu parler les filles en général ici à Radio X? Tu sais, s'insérer entre deux grands gueules comme toi pis moi, pas facile. Ah, oh, c'est rock'n'roll. L'après-midi, s'insérer entre Gas pis Vince, pas facile. S'insérer dans le show de Dupont, pas facile non plus. Et on travaille avec des filles qui réussissent à faire ça, puis elle est allée te les mépriser. T'es qui, toi, Kim Lizotte? Mais en T'es même... qui, toi? Qui tu te prends, là? En même temps... Un couple qui, en dedans d'une semaine, les deux profitent de leur tribune pour parler de Radio X, c'est pas loin d'une obsession, les tipites, là. C'est triste, hein? Ben là, je peux vous donner des suggestions d'activités de couple qui sont peut-être plus agréables que de parler d'une radio que vous aimez pas, là. C'est parce que... Je veux pas rentrer dans votre chambre, là. C'est sous aucune considération, là. Même si ça menace avec un gun sur la tête, pas le goût d'aller là. Mais c'est parce que ça vous ferait peut-être du bien, la petite intervention chirurgicale pour vous sortir la tête du cul, là. Parce que attendez pas trop longtemps, là. Parce que là, elle est rendue profond, là. Ça va... peut-être que ça rentre plus sur l'assurance maladie, là. Quand la tête est rendue profond dans le cul de même, là. Ouais. Faites attention, les amis. Hein, les têtes s'enfent quand ça va à Montréal, mais quand ça marche pas, hein, ça revient ici en loser pis ça vient porter des CV. Ouf, oui. Hein, Guillaume? Veux-tu des exemples, Guillaume? Appelle-moi tantôt, m'a nommé des noms. Hein, on s'en va faire les prétentieux à Montréal, puis on se la joue, mais à un moment donné, on revient porter des CV vite à Québec, hein? Oh! Si par hasard tu vas faire un show à Québec, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de te pétailler? Non, sont assez peureux là-dessus, les libertés. Ils sont bons sur Twitter, par exemple. Ils sont très courageux sur Twitter, mais en personne, non. Mais toi, t'es un gars de Québec. Je suis un gars de Québec, je connais très bien ça. Moi, j'ai grandi, j'ai vu Jeff Fillion de la première année jusqu'à la dernière, Radio X, je connais très bien ça. André Arthur, j'écoutais ça, je connais ça, la démagogie. Quand un plug vous écœure, ne faites pas comme Jasmin Roy fait tout le temps. Faut pas devenir des musulmans. La meilleure façon de réagir à un plug qui vous écœure, c'est quoi? C'est de pas vous en occuper. C'est ça, puis il fait pitié, ce gars-là, Guillaume Wagner, parce qu'il est étourdi par sa prétention de... Ouais. Moi, je me suis sorti de Québec. Hein. Je suis arrivé, moi, à Montréal. Hein. Je sais quoi, moi, la démagogie, là. Cette bande de villageois. Pas mal sûr que si je vais d'un vieux tiroir à Patrice, hein, que son CV s'appile à quelque part. Oui, pas, pas mal sûr. Ça se peut. Je gagerais un vin. Des vieux CV. Il y aurait beaucoup de noms intéressants, d'ailleurs, dans le CV. Je suis prêt à gager, en connaissant pas le gars du tout, que la frustration part d'une job qu'il n'a pas eu. C'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Ça fait suite à un sketch qui a passé il y a plusieurs semaines, sinon plusieurs mois de ça, l'émission Un gars le soir, l'émission de Jean-François Mercier qui passe à V, où il a ressorti quelque chose, là, un épouvantail que, plus sérieusement, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu, de dire que l'auditeur de Radio X, là, le fameux Liberté, comme ils appellent, est pas capable de penser de par lui-même. Ouais. Que nécessairement, tu syntonises le 98.1 puis t'es incapable d'avoir du jugement. C'est le genre de commentaire épais quand ça vient de Montréal. Tu te dis, tu sais, c'est du monde qui comprennent pas parce qu'ils vivent pas la réalité ici à tous les jours. Mais de voir que quelqu'un avec la tête dans son propre anus qui vient d'ici puis qui essaie de se gagner des amis à Montréal en roulant sur ces préjugés-là, c'est le fun de se trouver un branding en humour, mais les gens ont la mémoire longue, mon petit Guillaume. Ah oui. C'est peut-être ce que tu négliges très longue. Dans ta petite aura de prétention. Les gens de Québec n'ont plus de complexe envers Montréal. Non, je pense pas. Et la radio de Moron, là, que tu méprises, là, ça se peut-tu qu'elle fasse partie des solutions et non pas des problèmes à Québec? Ouais, ça se peut. De façon globale. On comprend, il y en a eu des dérapages. Il y en a encore. Il y en a à Montréal des dérapages. L'émission des francs-tireurs, regarde, il y a des dérapages, il y en a partout. Mm-hmm. À Télé-Québec, là, c'est un dérapage en continu, c'est juste que personne n'écoute. À part Astérix, il n'y a rien qui tire à Télé-Québec. Donc, on s'en rend pas compte. Mais ça se pourrait-tu que, parce qu'on se parle à Québec, entre nous autres, les gens méprisables, tu sais, les gens vulgaires, là, que ils ont pas assez d'argent pour aller voir un show d'humoriste, puis ils ont de la misère à arriver à la fin du mois, puis ils ont des familles, puis ils ont des chars, les salauds, ils ont des chars. Ça se peut-tu que, parce qu'on se parle, qu'on est assez ouvert pour se parler de nos problèmes puis de nos bobites, qu'on est assez ouvert pour chercher des solutions, ça se peut-tu qu'on aille, fait partie, je dis pas à 80%, mais je vais quand même en prendre 1%. Ça se peut-tu que Radio X aille aider à faire de Québec ce que Québec est aujourd'hui? Ben, effectivement. Puis ça en frustre quelques-uns. Puis il y a un nouveau phénomène aussi, puis c'est le phénomène l'agacer un peu. C'est de s'apercevoir que finalement, Radio X, c'est plus des histoires de buvage de sperme. Tu sais, j'ai rien contre ça, là. Moi, je l'ai écouté à cette époque-là, puis j'ai rien contre ça. Mais ça devient challengeant à un moment donné d'écouter Radio X puis de s'apercevoir qu'il y a quand même pendant 4 heures ça jase d'actualité. Puis il y en a beaucoup. C'est le phénomène de l'agacé qui s'aperçoivent que la POC va trop vite pour eux autres un peu aussi. Tu sais, tu disais que Wagner, peut-être que son CV est d'un vieil pile à Patrice. C'est peut-être un gars aussi pour qui faire 4 heures de radio, la POC irait vite un peu. Ça arrive vite d'un coin, faut que tu réagisses vite un peu. J'ai compris que son show était tellement plate que son propre public l'écoutait pas puis qu'il était obligé de l'engueuler pour qu'il écoute. Mm-hmm. Hey, rendu là, tu veux que je fasse pour toi les choses? Dans 2 ans, puis personne va se souvenir de toi. Déjà qu'on te connaît pas, là. Ça a donc bien l'air d'insulter... J'aime pas ça parler des gens de Montréal, mais une certaine partie du monde de Montréal de voir qu'à Québec, les gens sont impliqués pis sont intéressés par Mais il y a de la... Mais c'est moi, là, l'impression que ça me donne, puis c'est pour ça que je voulais pas donner d'importance à ça ce matin, ça me donne l'impression du petit nouveau qui arrive dans une école puis il veut rentrer dans la gang. Ouais. Fait que tu tiens le discours que tout le monde tient autour de toi. J'ai fait semblant de prendre pour les Nordiques en 3e année du primaire quand je suis arrivé à Saint-Fulgence à l'école Mont-Valin parce que tout le monde prenait pour les Nordiques autour de moi puis je voulais faire mon intéressant puis mon petit frappé puis mon petit parvenu. Ouais, j'ai fait ça avec un t-shirt des New Kids on the Block. Mais tu sais, moi qui critique Radio X, qui critique Gravel, Dupont ou Gas ou moi ou n'importe qui, je m'en fiche un peu. Mais quand mes auditeurs se sentent insultés par les commentaires, ouais, c'est le bout qui m'agace, moi. C'est le bout qui m'agace parce que tu sais le franc-tireur, tu sais, c'est moins grand public un peu, mais tout le monde en parle en pleine venir insulter les gens de Québec comme ça, là. C'est un peu plus dur à... C'est un petit peu plus dur à avaler, là. Hein, t'es bien bizarre. Hey, tu fais ça encore l'humour? L'humour, cette connerie tartine du plateau, là. C'est plus d'humour, rien donc. T'adorais ça, faire de l'humour. Tartine, parasite subventionné. Ça, c'est Québécois, c'est de la marre, man. Moi, à ce temps, j'écoute juste du football américain, man. Je fais des voyages d'autobus aux États-Unis. Non, t'as bien changé, toi. Liberté! C'est tellement facile de voir la frustration d'un gars qui aurait voulu faire ça pis qui est pas capable. L'eau est trop creuse, Guillaume. Tu flottes pas, t'es pas capable de nager. Ben, on va te laisser caler, mon grand. On me dit d'ailleurs que lui, il y a des auditeurs qui m'ont envoyé ça en fin de semaine. On me dit que c'est un de ses plus hauts faits d'armes. C'est un sketch où il suggère à Marimé de se suicider. Ouais. Il semble que c'est son plus haut fait d'âme. Il donne des leçons aux jeunes Radio X. Très bonne. Il semble qu'il avait comme simulé ça sur la scène, Marimé qui se met le gun dans la bouche. Oh. Et il semble que c'est son plus haut fait d'âme. Ça, c'est un gars vraiment qui a des leçons à faire aux mais autres. Avec une attitude de loser comme ça, il y a des chances que ça reste son plus haut fait d'âme. Des bonnes chances. Ça se peut, oui. Il y a des bonnes chances. On va attendre ton CV dans les prochaines années, mon Guillaume. Tu viendras rejoindre tes anciens collègues humoristes montréalais? Ben oui. Qui essaient de gagner leur vie à Québec? Ben oui. On le connaît le parcours, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Oh non, il y en a quelques-uns. Salut ta blonde pour nous autres.